Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Récréa 2, enfin Récréa 2. Quel plaisir ça me fait de vous retrouver et de vous revoir enfin sourire et de chanter avec vous qui fait bon vivre. Après notre épisode... Frisson Jeunesse, que j'ai baptisé Frisson Jeunesse. On va retourner justement dans la période, dans la saga Jeunesse, avec notre numéro 2, qui sera suivi d'un numéro 3 sur les super-héros d'ailleurs. Et là, cette semaine et cette émission-là, on va se concentrer sûrement sur la science-fiction et tous les programmes de jeunesse. Donc, on va aborder déjà les dessins animés, les séries live, avec tout ce qui est séries technologiques et tout. Et dans un dernier temps, ce qu'on appelle les Tokusatsu. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que les tokusatsu, ça peut inclure tout ce qui est Metal Hero et Super Sentai, voilà. Donc on va se lancer avec les dessins animés, si tu veux bien. Oui, parce qu'en fait, voilà, moi je trouve que dans les années qu'on a vécues, donc années 80-90, bah, je trouvais qu'en fait c'était super prolifique au niveau de ce qu'on nous proposait en nouveauté. On va parler donc de pas mal de dessins animés à l'époque, hein, donc Génération Club Do, même avant, qui nous change des dessins animés de maintenant où la science-fiction est complètement dépassée. Maintenant, tu sais, on nous fait plus vendre du Yo-Kai Watch ou du Pokémon, ou je sais pas encore trop, les Digimon ou les trucs comme ça, et c'est des trucs moins science-fiction que ce qu'on pouvait proposer avant. L'éventail est moins large. Il y avait One Piece ou l'Attaque des Titans. Ça, c'est ce qui sort en ce moment. Après, ouais, Naruto. Naruto aussi. Naruto, mais ouais. Naruto est fini. Hein. Depuis Shippuden, ça fait bien faire 2-3 ans que c'est fini. D'accord, je suis pas à la page, tu vois. Et après, t'avais tout ce qui était Fairy Tail, etc. Tu vois, c'est pas science-fiction, c'est carrément des shonen super-pouvoirs qui se battent en augmentant leur power-up, un peu à la Dragon Ball, quoi. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. Tandis qu'à l'époque, dans ces années-là, au niveau en tout cas dessin animé, on était vraiment bien servi au niveau de la pseudo-science-fiction. Ou des choses qui pouvaient nous entraîner dans des univers un peu plus space opéra. Ouais, c'est vrai que tu citais les genres, hein, parce que la science-fiction, il y a quand même des sous-genres aussi dans la science-fiction. Bah, tu citais le space opéra, c'est pas indéniable que l'influence de Star Wars a eu beaucoup de retombées suite à la sortie de Star Wars. Bah, il y a un autre sous-genre aussi qui est apparu aussi dans les années 70, c'est les mechas, quoi. C'est ça, il y a aussi les monstres, les kaiju, mais ça, on le voit moins bien dans les dessins animés. Il y a eu un fourmillement de vaisseaux spatiaux et de héros avec des beaux costumes et aussi des mécas qui sont déversés. Et en France, celui qui arrive en premier en France, c'était Goldorak, quoi. Ouais, puis tu vois, on passe surtout de enjeu terrestre à enjeu galactique. C'est ça. Tu vois, là, on passe vraiment d'un autre niveau. Avant, les dessins animés, genre Scooby-Doo, etc., c'était des enjeux locaux. Après, on a eu les pseudo-Justice League, hein, c'était vraiment mal tourné. Ça devenait des enjeux, on va dire, planétaires. Là, on atterrit dans des enjeux complètement galactiques. Et oui, en effet, ça coïncide avec les sorties de Star Wars comme par hasard. Et puis, moi je citais Goldorak parce que c'est la première série qui est passée en 78 sur Recréa 2. Ça a été un événement. On n'a pas tellement apprécié parce que c'était neuf et qu'il y avait un aspect un peu soi-disant violent. Ce qu'il faut dire en France, c'est que les Japonais nous ont vendu Goldorak en nous montrant des épisodes de Grandizer. Dans Mazinger Z, qui était largement enfantin dans les épisodes de Mazinger. Ah ouais. Par rapport à Goldorak, c'était beaucoup plus pour enfants. Alors je pense que quelques producteurs ont dû déchanter quand ils ont vu que Goldorak était quand même beaucoup plus sérieux. Il y avait quand même Rigel qui était l'élément comique, ou alors Boss Robot ou des trucs comme ça. Mais c'était le côté Goldorak, ouais, mais là tu vois, le côté humour, il était vraiment anecdotique dans Goldorak. Tandis que dans Mazinger, c'était humour, c'était enfant, c'était enfantin. Kabuto était quand même assez enfantin. Et puis dans le premier épisode, les parents ils meurent, puis après ils voient un robot géant et le gosse il est tout foufou, quoi. Donc voilà, vachement enfantin. Ce qu'il y a pas dans Goldorak. Goldorak, on passait à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ouais, c'est vrai que Actarus, il est un peu, on va dire un petit peu dépressif, hein. Il a le mal du pays, il veut pas trop se battre, mais il est quand même obligé parce que de toute façon, il y a que lui comme rempart contre l'armée de Vega. Ouais, puis il faut voir d'où il vient aussi. Hein. Ouais, il vient pas du pays des bisounours. Hein. Parce que dans Mazinger, par exemple, il trouve le robot, le mec, il l'a construit sur Terre, mais il n'y a pas de guerre sur Terre, quoi. Tandis que là, Goldorak, sa planète, elle est décimée, quoi. Donc il y a déjà un personnage plus torturé. Il y a un problème de continuité parce que Goldorak, en principe, c'était le dernier de la trilogie des mechas avec Mazinger et Great Mazinger. Et quand on revient au premier épisode, en fait, Alcor, qui est le pilote de Great Mazinger, si je me souviens bien, Mazinger 7. Ouais. Il arrive avec sa petite soucoupe là, avec son petit missile, et puis on a l'impression que c'est totalement nouveau, quoi. Il n'y a aucune continuité. En fait, au niveau français, ben, ça passe bien parce que Kabuto, enfin Alcor, Koji Kabuto. Koji Kabuto. On connaissait pas, nous, Mazinger en France. Donc, franchement, quand on voit Koji Kabuto, ça paraît pas aberrant de le voir là. Mais après, Gret Mazinger ou Mazinger Z, la continuité, ça va plus. Il y a une rupture. À part les crossovers pour faire un peu des films au Japon. Genre, ouais, on peut pas arrêter crossovers un peu bidons, style Goldorak contre Gret Mazinger ou Goldorak contre le Dragonosaur. On voit que c'est totalement des hors-série parce que ça s'inscrit pas du tout dans la série, quoi. Ouais, c'est pas canon, et puis c'est même pas la même façon d'être tourné. Donc ça se prenait un peu moins au sérieux, quoi. C'était vraiment pour le plaisir de faire une fanfic crossover, hein. J'avais l'impression que c'était ça. Il y avait aussi ces espèces de pin-up dans Mazinger Z. Justement, tu vois, ça choque, parce que dans Mazinger Z, t'avais quand même des robots qui tiraient des missiles avec leurs nichons. C'est ça. Dans Goldorak, jamais. C'est-à-dire, c'était vachement sérieux. C'était des cornes, ils avaient des têtes démoniques quand même. Les Golgoth et les Enterak, Les Enterak, ils avaient des têtes démoniques et c'était assez sérieux dans l'ambiance, quoi. C'était moins enfantin et puis voilà. Donc pour s'imprégner dans la science-fiction en regardant Goldorak, je trouve ça plus facile qu'en regardant Mazinger. Puis surtout quand on parlait aussi du côté un petit peu anxiogène, c'est que si tu te souviens, il y avait tout le temps ces plans arrêtés avec des trucs horribles, avec des explosions, des gens qui meurt et tout, tu sais, avec des couleurs hyper saturées. Quand ils faisaient péter des villes. Hein. Tout à fait. Même les plans de la planète. Ils pétaient vraiment, quoi. C'était pas. La destruction de la planète de Euphorie qui revient souvent, quoi. Ouais, en flashback. C'est ça. Voilà. Puis tu vois, les plans figés où les mecs sont en train de courir, quoi. De courir, puis qui sont les bras en l'air. Ils sont en mouvement, quoi. Il y a vraiment tout l'horreur de la guerre, quoi. Ouais, qu'on voyait des fois dans d'autres mangas. On voit, tu vois, cette image qui fait penser un peu à la bombe atomique. C'est une force puissante qui arrive, le mec est figé et puis rien se passe, quoi. Ça fait un peu penser à ça. Bah, Goldorak, c'est aussi l'occasion de... Parce que c'est une demande de Bandai à l'origine au Japon. Donc, ils ont travaillé un peu plus de scénarios. Mais en France, c'est devenu un phénomène culte. Et notamment, t'as eu des miniatures ou des jouets Goldorak avec en métal. T'as même un petit personnage en métal où t'appuyais sur le bouton et t'avais les fulguropins qui partaient, ou t'avais les Astéro H. Enfin, il était bien fait. C'est un peu lancé aussi cette mode de produits dérivés, finalement, quelque part. Bah, les Japonais sont forts pour les produits dérivés. Mais le problème, c'est que les Japonais construisent pas le produit dérivé d'abord. C'est-à-dire qu'ils construisent la série et après le produit dérivé. Après, on y reviendra plus tard. On parlera, je sais pas moi, des maîtres de l'univers, masques ou ces trucs comme ça. Tous les jouets Mattel, quoi. Bah, tous les jouets Mattel, c'est d'abord les jouets, après on crée un univers autour. C'est ça, c'est bon. Là, au Japon, c'est l'inverse. On crée, c'est plus vrai avec les Power Rangers. Hein. Mais maintenant, ils créent d'abord les jouets Power Rangers et après ils font une série autour. Mais avant, on faisait d'abord une série et après on créait le dérivé. Senseiya, les armures qui coûtaient un mois de salaire, c'était des produits dérivés qui étaient faits si la série plaisait. C'est vrai qu'ils étaient un peu onéreux, on va dire, en ce temps-là, ces jouets. Mais on va peut-être parler d'autres séries qui, dans la fin des 70, ont marqué notre jeunesse. Bah, je pense à Albator aussi. Voilà, toujours un manga. Hein. Ouais. Toujours un manga, récré à deux, toujours. Hein. Toujours deux. Donc, il y a deux séries. Il y en a une qui est sortie en 78. Alors, c'est la série avec les Sylvidres. Les Sylvidres, que moi, j'adorais comme vilaine parce qu'elles étaient hyper anxiogènes. Puis, quand elles mouraient, elles s'évaporaient. Puis, elles poussaient des cris et des hurlements horribles. Ouais, que c'était super, ces cris-là. Ils étaient vraiment bien travaillés. Ouais, donc il y a une ambiance vraiment un peu spéciale dans Albator. Puis elles ont un physique inquiétant et attirant en même temps, tu vois. C'est ça. C'est le mythe de la sirène, je pense. Hein, quelque part, c'est la sirène, je crois. Mais c'était bizarre de voir ces trucs qui étaient vraiment pas mal dessinés, plutôt bien faits, attirants à l'œil, et puis flippants aussi quand tu les voyais, quoi. Pourtant, les Nibelungen étaient moins flippants que les Sylvidres. Bah ouais, mais Nibelungen, tu t'es fini comment, ça En fait, c'est la compagne d'Albator, c'est une Nibelungen. Queen Emeralda Non, pas Queen Emeralda. La compagne d'Albator, celle qui vit dans le vaisseau, qui boit toujours de l'alcool. Ah, Clio, tu veux dire. Ouais. Et c'est une Nibelungen. D'accord. Ouais, c'est le cas pour les yeux transparents. Là. Ouais, elle me faisait flipper, par exemple. Ouais, elle était un peu bizarre, hein, un truc mystérieux. Hein. Ouais, elle avait pas de bouche, mais elle passait son temps à boire du pinard. C'est vrai, en plus. On se demande par où ça passe. Mais c'est pas le problème. Ouais, il y avait Clio, il y avait Ramis, il y avait Alfred, il y avait Nausicaa. Et puis le vaisseau, c'était l'Atlantis. Mais c'est l'Atlantis version bleue, quoi, avec l'avant, avec une tête à l'avant, quoi. Pas la version verte qu'on aura plus tard en 84. C'était pas l'ombre de la mort, c'était vraiment l'Atlantis. C'est ça, ouais. L'ombre de la mort, ouais, c'est exactement ça. Et en 84, la deuxième série, c'est une série vieilles préquelles où on retrouve Albator justement avec son c'est toutes ses aventures avec son Alfred et comment l'Atlantis il construit l'Atlantis et c'est pour une voyage quoi. Bah moi j'ai bien aimé Albator, moi j'aimais bien bon le roi mystérieux. Maintenant les vilains du 84 sont t'es pas extraordinaires, c'était les humanoïdes, cette espèce de personnage un peu cadavérique là. Non mais par contre le compte zéro était super bien fait. Ouais. L'antagoniste qui en veut Albator en fait et qui fait une course technologique avec l'Atlantide. D'accord. Tu sais. Celui-là, il était vraiment bien, ouais. Bien fait. Tu vois, c'était pas le bien, le mal. Il y avait du gris au milieu. C'était vraiment bien dans Albator. Ouais, c'est ça. C'est ça suivait les épisodes. S'en changeait pas trop hein, là, à cette occasion-là. Mais il y avait une vraie continuité, je dirais, entre les épisodes de 84 et de 78. Et moi, je me souviens que je louchais sur la maquette l'Atlantis parce que c'était vraiment un beau navire. Et c'est d'ailleurs cette version qu'on retrouve dans la version de dans le live, le film animé de 2013. Quoi. Par contre, moi, il me semblait qu'il l'appelait. L'Arcadia. L'Arcadia, voilà. L'Arcadia, c'est le nom original. C'est le nom original. Ouais. Par contre, voilà, ce qui était bien dans ces dessins animés à l'époque, c'est que t'avais des combats au laser dans l'espace, etc. Tout à fait, ouais. Puis des scènes d'abordage de pirates, quoi, aussi. Bah, enfin, ouais. Je veux dire, t'avais un mélange des genres qui était vraiment bien. Je sais pas si tu te souviens, dans le vaisseau bleu, il y avait une espèce de lame qui sortait de sa tête. Ouais. Justement éperonner. Pour éperonner les autres ennemis, ouais. C'était dans le film aussi, d'ailleurs. Impressionnant, quoi. Ouais. Mais, moi, on garde un bon souvenir, hein. Albator, c'est culte, le générique est culte aussi, hein, parce qu'il faudra parler aussi un petit peu des générique derrière. Bon, cette Goldorak, moi, j'adore, quoi, personnellement, et je la vois toujours avec plaisir, mais il y avait une bonne dynamique dans les génériques de présentation, je trouve. Ils étaient vraiment bien tournés. Ouais. Mais en plus, dans Goldorak ou Albator, ils avaient eu la présence d'esprit de ne pas les retourner, comme ils avaient fait dans les Chevaliers du Zodiac, par exemple. Donc, du coup, ça permettait d'avoir un bon aperçu de l'œuvre qu'avaient voulu faire les mangakas de l'époque. Ouais, c'est ça, aussi, il y a un respect de l'œuvre. Ouais. Quoi qu'il y a eu quelques censures quand même, hein, dans Goldorak, il paraît qu'il y avait des scènes trop violentes, qu'ils étaient passés à la trappe. Bah, il y a un moment, il y a quand même Hidargos qui. Minos qui se crève le visage pour. Pour empêcher Minas de. Pour empêcher Minas de, ouais. De la ramener, quoi. Ouais, donc, ça c'est un peu gore quand même, quoi. Ouais. Surtout que ça t'était souvent. Comme je l'ai dit la dernière fois, quand sa tête s'ouvrait, moi j'étais impressionné la première fois, mais après ça a mieux passé, je veux dire. Mais au Japon, tu vois, ça c'est pas impressionnant pour eux, c'est une tête qui s'ouvre, ça fait partie du folklore local. C'est quoi. Le folklore, ouais. Ils ont un rapport un peu particulier avec le glauque et la mort, quoi. Bah, c'est omniprésent. En fait, les yokai sont omniprésents au Japon, donc forcément, c'est dans leur culture, quoi. C'est vraiment culturel. Tandis que nous en France, les films d'horreur comme ça, c'était pas à l'époque, c'était pas aussi courant que ça déjà. Et si tu prenais Elephant Man à l'époque, déjà ça nous faisait flipper par exemple comme film. Ah oui, ça c'est vrai que c'est bien que le personnage en lui faisait flipper, mais c'était un personnage que tu t'y as attaché quoi finalement. Ouais, était une empathie colossale pour ce personnage. Mais au niveau effrayé, voilà, c'est tout ce qu'on avait chez nous quoi. Elephant Man, c'était une référence, encore c'était chez nous, c'était américain. Mais on avait un rapport avec l'horreur qui était pas aussi courant que ce qu'ils ont avec le Japon parce que c'est assez courant hein. Il y a même des trucs au Japon, le dernier jour scolaire, c'est le but du jeu, c'est de faire peur à ses camarades. C'est le Halloween du coin quoi. Ouais, c'est le Halloween du Japon. Voilà, donc pour Albator, je pense que on a fait le tour. Bon, film de 2013, vous pouvez lire la critique de Teddy sur le site si vous voulez. Sachant que moi, on est un petit peu en désaccord sur le film. Lui, il a plutôt trouvé ça bizarre et glauque. Moi, j'ai trouvé ça plutôt original pour la vision du personnage, tout au moins. Voilà, je pense qu'en lisant la critique, vous aurez mon point de vue. Ah, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu apologie du terrorisme à un moment. Avec des énormes guillemets, hein, me crachez pas dessus dans les commentaires. Donc, on va passer à un autre héros qui, lui, est plus une adaptation d'un vieux pulp. C'est le Capitaine Flamme, justement. À la base, c'est un personnage qui a été créé par Edmond Hamilton. C'est un peu comme ces romanciers de l'époque. On pense à Buck Rogers ou Flash Gordon. Le Capitaine Flamme, bah, c'est celui qui fait un peu l'agent secret de l'espace. Il exécute des missions pour les Terriens. Il vit plusieurs aventures. Il y a corsaire et un mercenaire ou un membre de l'État. Enfin, on a du mal à dire ce que c'est. Moi, je dirais plutôt mercenaire, Capitaine Flamme. Parce qu'il, tu vois, des fois, il va volontairement aider des gens et puis des fois, c'est l'État qui toujours lui dire. Altruiste quoi. Ouais, puis des fois c'est les puissances en place qui lui disent il y a un problème là-bas, faudrait qu'il y aille quoi. C'est ça. Entre les deux, on sait pas. Moi je pense plutôt à un agent secret, mais agent secret, tu vois, ça, le terme me plaît bien. C'est-à-dire que mercenaire. À la James Bond, tu sais, James Bond de l'espace. Puis Dans ce qui est bien dans Capitaine Flamme, par rapport à Albator ou Goldorak, ouais, y a de tout. Il y a des extraterrestres qui font partie de l'équipage, enfin, t'as des androïdes qui font partie de l'équipage, un peu à la 3PO. Après, voilà, t'as un cerveau dans un corps mécanique, ça c'est le professeur qui a fait tous les trucs du vaisseau, enfin voilà, une grosse tête quoi. Puis Capitaine Simon, Flamme, je vais penser un peu à Buzz l'éclair quoi, c'est-à-dire qu'on sait pas si c'est un robot, hein, franchement, ou un homme. Hein, parce que... c'est un homme, hein. Ouais, mais je veux dire, il est rarement sans son costume de Capitaine Flamme. Ouais, c'est vrai que c'est très rare, hein, le mec doit pas changer souvent, mais moi j'aime bien cette série, et puis comme tu dis, c'était super varié quoi, au niveau des intrigues, et puis il y a quelques épisodes qui sont un petit peu angoissants, comme l'épisode où ton esprit est transféré dans une enveloppe un peu de créatures marines. Ouais, d'homme poisson, genre. Ouais, c'est ça, ouais. Et ou bien le premier épisode qui était excellent, c'était l'empereur de l'espace, ou bien il y a le passage avec, t'as le vaisseau, c'était le Cyberlab, je crois. Le Cyberlab, ouais. Ouais, et puis la petite navette qui se baladait, qui sortait. Et donc le Cyberlab, à chaque fois, il remontait le temps, il passait en vitesse lumière, enfin il était extraordinaire ce vaisseau. Je fais un petit aparté, par exemple, un épisode où t'as le Cyberlab, il allait d'un point à un autre en très peu de temps, puis tout d'un coup il se demande comment ils vont faire, et puis l'épisode se coupe, et du coup t'as un jargon scientifique, tu sais, qui s'installe. C'est vrai qu'il y a des explications, et donc à chaque fois ils essayaient de t'expliquer grosso merdo comment ça allait se passer, et là ils expliquaient que la vitesse sinusoïdale, par exemple, ça m'avait marqué, parce que en fait ils raccourcissaient le point dans l'espace, ça faisait comme un sinus, et puis il fallait qu'à chaque fois que tu passais à travers un vortex du sinusoïdal, il fallait que Cyberlab résiste, et ils avaient créé tout un champ de force, etc. Donc tu vois, ils te coupaient le rythme de l'épisode pour t'expliquer que scientifiquement voilà comment ça se passe quoi. Ils tentent de vulgariser, mais pour les gamins qui regardent ça, est-ce que ça leur parle? Je sais pas trop. Il y a un épisode que j'ai aimé qui terminait justement sur un cliffhanger, c'était que le Cyberlab s'était mis à déconner, et puis il était revenu à la séquence du Big Bang. Donc ça se terminait sur l'espèce de soleil qui allait exploser, et puis créer le Big Bang, et puis tu voyais le Cyberlab juste en face, quoi. Bon, après, évidemment, ils s'en sortent, hein, c'est un peu Ta gueule, c'est magique aussi, des fois, mais... Bah ouais, après, ça reste des mangas. Ouais, hein. Mais bon, Capitaine Flamme, dans l'ensemble, ça restait un peu crédible, quoi, au niveau spatial. Et puis, on explorait plus au niveau spatial. Les autres planètes, on en voyait quand même plus. C'est-à-dire que là, il fallait aider les autres planètes, que ce soit des colonies ou des autochtones. Hein, ils faisaient pas de différence, Capitaine Flamme. Ouais. Par exemple, les hommes poissons, il allait les aider quand même, quoi. C'est ça. Il se fait embarquer en tant qu'homme poisson, et puis il va les aider quand même à se révolter. Pas de préjugés raciaux dans Capitaine Flamme. Non, c'est vraiment le héros de la galaxie, quoi. Voilà, tout le monde est sauvable. Puis j'ai bien aimé ses compagnons, quoi, style Malak qui se transforme, ou Grag le robot, ou les espèces de petits monstres là, qui se baladent, là, le vert et le rose. Et il y avait le professeur Simon, là. C'était un peu bizarre, ce truc qui vole avec le cerveau. Enfin, R2-D2 volant. c'est quand même plus intelligent, parce que le mec était un cerveau, c'est lui qui a créé le Cyberlab, il semble. C'est lui qui a créé le Cyberlab, la vitesse sinusoïdale, les transferts d'esprit. Là, t'avais ces petits yeux qui bougeaient, là. Ça c'était. Avec le cerveau qui. On aurait dit un crabe, en fait, à un certain moment. Tu vois, les designs sont originaux, quoi. Il y avait les de la recherche. Les designs étaient super originaux, super recherchés, quand même, faut dire ce qu'il faut. Hein. Au niveau des designs, c'était recherché. Et puis, une tentative de vulgarisation scientifique. Tentative, hein. C'est-à-dire que, vu le public auquel ça s'adressait, on décrochait. Moi, je décrochais à l'époque. Hein. Quand il y avait du scientifique, j'attendais qu'il y avait l'action. Par contre, moi, il y avait un truc qui m'agaçait un peu, c'est que... le Capitaine Flamme, il fait ci, générique. Capitaine Flamme, il sort du toilette, générique. Capitaine Flamme, il va faire pipi. Générique. T'avais au moins le générique 3-4 fois par épisode. C'était un peu agaçant, je trouve. Mais bon, dans l'ensemble, on le voit toujours avec plaisir, quoi, cette série animée. Je crois qu'on va pouvoir attaquer... les années 80. Hein. Alors les années 80, on va devenir plus mercantile dans les années 80. Ouais. On a compris que quand on faisait un dessin animé que ça plaisait aux gosses, il y avait moyen de se faire du blé avec des produits dérivés derrière. C'est ça. Là, je vais parler avant les produits mercantiles. Un petit mot sur Ulysse 31 qui nous a beaucoup influencé. Déjà par l'atmosphère. La thématique mythologie grecque. C'était super bien trouvé. Ouais. Comment faire l'Odyssée d'Homère, en gros. Ouais, c'est ça. Au 31e siècle. Et c'était vraiment bien trouvé. Il y avait de la philosophie, beaucoup d'action, des scènes glauques incroyablement bien tournées. Ouais. Et un des effets sonores fantastiques. Ah, la bande-son de Ulysse 31, pour moi, c'est une des meilleures de dessins animés. Hein. Il n'y a pas de secret. Mais tu vois, années 80, 90, c'est avec le synthé, et puis des trucs angoissants. Tu vois, Ulysse, il a des valeurs, mais c'est pas pour autant que forcément ses valeurs, elles sont toujours, elles vont le sauver, tu vois. Il est pas maître de son destin finalement dans ce, dans cet épisode. Jusqu'au dernier épisode, ouais. Il est pas maître de son destin, et ça c'est super rare pour un héros. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'en sort et tout. Et on peut vous spoiler le dernier épisode, mais dire il s'en sort grâce à la bonne volonté de ses ennemis, quoi. C'est rare dans un dessin animé, c'est vrai. Bah de toute façon, on en a parlé un petit peu plus dans notre dernière émission, numéro 1 de Frisson Jeunesse. Donc si vous voulez un petit peu plus de renseignements, moi je vais parler de Cobra. On va enchaîner sur Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Cobra, donc, qui est un autre pirate de l'espace, un peu un cousin d'Albator, finalement. D'après. Cobra, là, vraiment mercenaire, hein, c'est-à-dire. Complètement. En gros, on a toujours. Enfin, c'est bizarre, parce qu'on a toujours l'impression qu'il est là pour se faire maximum de blé, c'est-à-dire, va là-bas aider, combien ça va me ramener, quoi, en gros. C'est ça, c'est le mec pas du tout altruiste. Et puis, à chaque fin d'épisode, sa récompense, il s'en bat les couilles, quoi. Bizarre. Ouais, puis mais lui, c'est aussi de se faire mousser, quoi, par les nanas et tout. Ouais, parce que là-dedans, c'est quand même le gros dragueur, quoi. Ouais, puis le vantard aussi, quoi. Ah ouais. Mais il y a ce côté Cobra, parce que faut quand même signaler que la première partie de Cobra, c'est inspiré de la nouvelle Total Recall de Philip K. Dick, avec cette histoire de mémoire qui a été altérée, qui revient peu à peu. Il y a trois arcs principaux dans cette série. Il y a le trésor des sœurs Nelson, donc avec l'homme de verre et tout ça. Il y a le rugball. Moi, j'ai pas trop aimé cette partie-là. Ouais, le rugball, c'était bien, c'était regardable, mais ça faisait un peu série sportif plutôt que corsaire de l'espace. C'était Olivier Tom, quoi. Ouais. Olivier Tom avec le terrain qui est un peu moins long. Ouais. Et les balles qui sont un peu moins élargies. Et puis la dernière partie, c'était tous contre Salamandar, quoi. Et là, c'est vraiment la fin, quoi. Où on découvre le. Parce que lui, il est opposé à la guilde des pirates. Donc au départ, c'est l'homme de verre, mais le gros ponte, c'est Salamandar, en fait, qui dirige tout. Et donc, il est avec Dominique, tout ça. Il y a son espèce de. Alors, ça, c'est génial. C'est la classe ultime. C'est le rayon Delta dans le broc. Mi roboclope et humain, quoi. Donc ça défonce tout, quoi, ce truc là. Pas l'homme de verre. Non, mais bon, ils vont quand même réussir, mais d'une façon. Mais ça, il faudrait le voir. Mais bon, il est accompagné de Armanoïd, qui en fait, Armanoïd, c'est une ancienne de ses compagnes qui est morte et qui a été transférée dans un robot. Donc ça, on l'apprend dans un DTV qui est sorti bien plus tard. Et donc c'est tout un univers Cobra, c'est les pirates, ça fait un peu Han Solo des fois. Et le bestiaire fait Star Wars, hein. T'as des hommes perroquets, t'as des hommes poulpes, t'as des hommes tout court, t'as pas vu Jabba, mais enfin je veux dire, t'as vraiment un gros bestiaire. Puis il y a cette scène qui m'a bien fait rigoler, c'est quand il y a tous ces Amazones qui sont sur la planète de glace et qui sont tous en bikini, quoi. Je sais pas si tu te souviens de cette scène, mais apparemment on se gèle pas les mains quand on est Amazon. Donc voilà, quoi. Ils tombent toujours sur des filles qui sont magnifiques d'ailleurs. Faut avouer qu'il n'y en a pas une seule qui est moche. Ouais, puis c'est beaucoup des femmes objets quand même. Ouais, hein. Donc bien sûr. C'est très misogyne comme série. Hein. Puis la nudité aussi des fois. Hein, Ouais, puis comme Nicky Larson, hein, dès qu'il y a une nénette qui lui fait les yeux, il sait plus se contrôler. Ah, il sait plus se contrôler. Ouais. Puis moi, ce que je voulais dire, c'est que Buichi Terazawa, qui est le créateur, il s'était inspiré pour le look de Cobra de notre Jean-Paul Belmondo national. Ah, c'est vrai que quand tu le vois avec son gros pif et sa façon de toujours sourire, tu sais. Ouais, puis avec le cigare au bec. Ouais, le cigare au bec, il dit c'est Bébel dans ses meilleurs films. C'est ça, ouais. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a une partie où Cobra est un Hidalgo avec des longs cheveux bien avant d'être blond. Et là, il s'était inspiré d'Alain Delon. Donc on a un petit peu les deux. Là, je le reconnais déjà moins. Ouais, ça c'est clair. Mais c'est voilà, plus Alain Delon. Voilà pour Cobra, il faut revoir cette série parce qu'elle est très agréable. Et puis moi, j'ai bien aimé. Et puis beaucoup d'humour, beaucoup d'action. Et puis la classe, quoi. Moi, c'est le rayon Delta, c'est la classe, quoi. Ouais, puis ce ralenti qu'on tire avec, c'est le même. Mais ouais. Avec le vaisseau qui se transforme. C'est pas le mec qui fait un kamehameha, il recule pas d'un mètre. Au contraire, tu vois, t'as son bras qui décolle et tout. C'était vraiment bien. Il y a du recul, là. Il y a du recul. Ouais. Un petit mot sur Il était une fois l'espace avant d'enchaîner sur les licences Mattel. L'infini des prairies bleues du ciel découvert comme un grand livre ouvert et la terre cette bille. Alors, Il était une fois à l'espace, moi je l'ai connu très tardivement, donc là ça m'a pas forcément influencé, mais c'est vrai qu'Il était une fois à l'espace, donc c'est les mêmes créateurs qui ont fait Il était une fois à la vie, ou Albert, Il était une fois l'homme, c'est Albert Barillet. Et en fait dans Il était une fois à l'espace, il y a et de la vulgarisation, on nous explique un peu c'est quoi un cyborg, c'est quoi un robot, et beaucoup, énormément de philosophie et de... rapport à la force qu'on pourrait comparer à des déités. C'est une espèce de police spatiale, quand ils sont à deux, il y a Pyro, il y a Psy. Ouais, en fait, tu vois, c'est pas vraiment une police. Une espèce de robot au métro. C'est des explorateurs ils ont une fédération de planètes, un peu Star Trek, tu vois, et qui sont en concurrence avec une autre fédération qui se fait laminer jusqu'au dernier par un nouveau peuple. Le Tenyu et le Nabo. Ouais, le Tenyu et le Nabo. Moi, j'ai reconnu que Vassarkozy, moi, je l'appelle. C'est vrai, il ressemble à Sarkozy. Et en fait, tu vois, c'est toujours ce jeu de concurrence. Mais par contre, tu vois, ça fait un peu vraiment Star Trek. Ils s'insinuent pas trop dans la vie de ceux qui veulent bien venir dans leur fédération. Tu vois, ils essayent de respecter leurs coutumes. Parce qu'à même un moment, il y a des hommes lézards et qu'ils ont éliminé 50% de leur planète Les hommes lézards, ça rappelle quelque chose. Les autres, c'était pas des hommes lézards, mais ils étaient en concurrence l'un l'autre. Et puis, ils les ont exterminés parce que la planète avait pas assez de ressources pour les deux. Donc, tu vois, moralement, tu te dis, quand même, quoi. Et puis aussi, qu'ils font un contrôle des naissances, c'est-à-dire qu'ils font des œufs et ils mangent la moitié des œufs pour pas qu'il y ait trop de naissances non plus. Donc là, tu dis, c'est quand même de l'eugénisme de naissance. Donc tu vois, les thèmes abordés sont pas si simples. Tu vois, je me souvenais plus, mais je me souvenais surtout du conflit qu'il y avait entre c'est Omega en fait, la confédération, qu'il y avait entre Omega et à un moment le grand ordinateur qui envoyait justement son champion. Et ce champion, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Goldorak avec ses cornes et tout. Et c'était super marrant parce que Metro, qui est petit, c'était vraiment le duel David contre Goliath, quoi, en fait, dans cet épisode-là. Ça avait marqué cet épisode. Dans cette série, il y avait pas mal de... je pourrais pas dire religion, mais il y a un moment, il y a une entité informatique qui va tout détruire. Soit elle vous absorbe, soit elle vous détruit. C'est le grand ordinateur, ça. Ouais, le grand ordinateur. Et puis, comment ils s'en sortent à la fin, en fait, ils ont demandé à un peuple qu'on sait pas où ils vivent, Psy et Maestro, qui ont fait une transcendance mentale pour aller demander de l'aide, et ils disparaissent tous. Voilà, pour montrer qu'on peut être aussi fort qu'on veut, il y a toujours plus fort que nous, des puissances qui nous dépassent. Ça fait un peu Stargate, non ? Je te jure, ça faisait un mélange entre c'est Dieu qui va nous sauver, je te dis, à un moment, je dis, c'est quoi, c'est une déité, c'est quelque chose. Et en fait, non, ils ont une technologie avancée et ils ont détruit le grand ordinateur d'un claquement de doigts. D'accord. Quoi. Comme Thanos. Ouais, c'est ça, je pensais à Thanos, justement. La claquement de doigts. Tu vois, les termes abordés, ça m'embête. Non, j'aime pas le côté religieux aussi. On est dépendant d'une force qui nous dépasse. Ça, j'aime pas. Pour moi, l'humain, il doit se transcender par lui-même. Et là, ils se font sauver par un peuple qu'on sait même pas qui c'est, quoi. Je me souvenais plus de ça, tu vois. Je vais l'avoir vu une ou deux fois, mais ça fait très longtemps que j'ai regardé. Moi, j'étais plus, il était une fois l'homme, tu vois. Où là, il y avait quand même un arrière-plan historique avec, justement. Voilà, on nous montrait un peu l'histoire. Ouais. Bon, c'était pas fidèle historiquement, mais dans les grandes lignes, on arrivait à s'en sortir. Après, le fameux « il était une fois la vie », Y en a plein. Alors lui, il était fantastique. Ouais, ça c'était excellent, quoi. La vie, ça a même pas mal vieilli encore maintenant. Ouais. Vous pouvez encore le montrer à vos enfants. Ouais, il y a des trucs maintenant, on a évolué depuis. Mais franchement, ça se laissait super bien regarder. Et ouais, après, il était une fois l'espace, là, qui était assez flippant, le générique. Hein, quand tu regardes. C'est vrai que. Ah, ça c'était une fois l'homme. Ouais, le générique. Ça était une fois l'homme à la fin que la bombe nucléaire. C'est encore jeune, ça. Mais il y a aussi, il était une fois les explorateurs et puis pas mal d'autres séries qui sont. Les découvreurs aussi. Ouais. Je vais pas tout regarder en fait, mais c'est vrai que c'est super. C'était une production intéressante, française intéressante. Européenne. C'est européenne ? C'était une des premières productions européennes. D'accord. C'est simple, quand tu regardes le générique de la vie, t'as FR3, t'as la Rayuno, la ZDF, et t'en as vraiment pas mal. Et tu te dis, c'est pseudo-européen. Ce qui explique qu'il y a des blancs, des noirs, des jaunes. Et Sarkozy. Le teigneux, c'est ça ? Ou le nabo ? Le nabo, Sarkozy. Le nabo. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Il était une fois l'espace. Et on va aborder les dessins animés qui ont servi de support aux jouets, notamment la licence Mattel. Alors non, c'est les jouets qui ont développé les dessins animés. Si tu prends G.I. Joe, G.I. Joe, c'est ce qui se passe en ce moment. G.I. Joe, ouais. Si tu prends G.I. Joe, ils font d'abord les jouets et après ils font une série. Et Jace et les conquérants de la lumière, ça a été pareil. Ils ont sorti les jouets et après ils font la série. Se passe maintenant. Hein. Quand tu regardes Tortue Ninja, les nouveaux, les jouets sont sortis avant la série. Mais Tortue Ninja là-bas, c'est un comic. Quand même. Ouais, mais là, Nickelodeon a racheté le droit des Tortues Ninja, et ils ont fait les Tortues Ninja, et on a eu les nouveaux jouets avant la nouvelle série. Si tu parlais de JC Conquérant la Lumière, vas-y, je te lance. Alors, JC Conquérant de la Lumière, Discord, pas le mec qui aime bien le disco. une plante génétiquement modifiée. Ben ouais, en fait, ils font une expérience qui tourne mal, la plante devient vivante et puis s'empare du labo et va conquérir l'univers. Bah en fait, il y a une espèce de radiation là, catastrophique là-dedans, parce que il y a une espèce de soleil qui explose et puis ça fait une radiation, ça fait que la plante elle prend vie et puis ta gueule c'est magique. Ouais, ouais, elle prend vie, elle grossit. Ouais, et puis ils peuvent se transformer en véhicule après. En véhicule, ouais. Ouais. Bon, c'était bien fait au niveau des designs, moi j'ai bien aimé les monstres en plantes. Les designs des méchants étaient bien, mais le design des véhicules était superbe. Ah ouais, avec les six circulaires sur le toit. Les six circulaires sur le toit, ouais. Les autres qui avaient des boulets. Ouais. Après, même dans les gentils, l'autre qui avait une pince. Ouais. Tu disais, ça faisait vraiment, on a déjoué quoi, les mecs. Ouais, c'est ça, c'est le support à jouer quoi, carrément. Puis c'était bien parce que ça me faisait penser un peu au maître de l'univers. T'avais un magicien quand même dans l'équipe quoi. Ouais. Qui faisait des tours de magie pour sauver tout le monde. Ouais, t'avais Gillian qui était le magicien. Ouais, Gillian Anderson. Non, c'est. Karen Gillian. Non, bah, il y a les personnages, c'est Jace, t'avais le petit écuyer qui était pas très courageux. Ouais. Le Han Solo de service, qui était Erk, avec son bateau volant, la gloire de l'univers. Bah, ça me faisait un peu penser à Albator, hein. C'est-à-dire que c'est un ça, bateau volant. Ouais. Ça me fait penser au bateau d'Eolia dans Sankukai. Ah, bah ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc voilà, quoi, les monstres aux plantes. Bah, ouais, après, t'avais Flora aussi, c'était une plante qui pouvait communiquer avec les autres. C'est la génétique qui avait été créée par Gillian. Par le père de Jace. Audric. Audric, ouais. Donc cette série, elle a été développée par Jean Chalopin, qu'on connaît bien parce qu'il a produit pas mal de dessins animés, notamment Ulysse 31. On connaît pour Ulysse 31, on connaît pour Les Mystérieuses Cités d'Or, Inspecteur Gadget. Le mec, quand même, a une sacrée renommée. Bon, le problème de cette série, c'est que comme elle n'a pas eu de succès, il n'y a pas de fin, quoi. Non, il n'y a pas de fin. Et puis, les épisodes, tu peux pas. Il n'y a pas de fil rouge. Hein. Tu D'accord. prends un épisode, n'importe lequel, dans n'importe quel sens, ça passe, tu ne seras pas perdu après. Il y avait quand même un fil rouge qui était dit, c'était qu'il devait retrouver son père avec le. Il n'y a pas d'évolution au niveau du fil rouge. À chaque fois, c'est toujours. Plante, quoi, c'est toujours le même. Il y avait la moitié de la racine qui était magique, qui pouvait interagir avec les autres. Et puis, voilà, c'était toujours la même chose. C'est-à-dire que, difficulté, il va presque retrouver son père et non, pas de bol, il était là. À chaque épisode, c'est ça. Et il y a l'espèce de bague magique aussi, c'était pas trop mal. Voilà, justement, les gardiens de la lumière. Ouais, c'est ça. Et puis, comme je te disais, il y avait le Han Solo de circonstance. Ah ouais, le mec qui pensait cobler, mais qui allait toujours sauver ses amis. C'est ça, le mec altruiste un petit peu, quoi. Il y a le Yann, il y a le petit robot qui fait penser un peu à R2 aussi, parce qu'il est pas très courageux non plus. Ouais, Oon, c'est vrai qu'il était pas courageux, mais en même temps, c'était un nono. Liste 31, en fait. Ouais. C'était pareil. Bah, les joueurs en France, ils étaient très discrets, parce que moi, j'en ai jamais vu, personnellement. En France, il a été quasiment impossible d'en trouver, pour la simple et bonne raison que, c'est sorti aux States avant qu'on ait eu le droit de le voir en France. Donc, comme sa série n'a pas eu autant de succès que les autres, ils ont pas sorti les trucs, parce qu'ils pensaient que ça n'intéressait personne. On va parler d'une licence, très importante aussi, hein. On va faire ça par ordre alphabétique. C'est les maîtres de l'univers, Masters of the Universe. Ouais, Master of the Universe. Ouais. Alors, c'est pas du Dick, hein, il me semble, Master of the Universe. Non, c'est Mattel et Filmation qui ont produit ça. Et toujours la même chose, on fait un jouet, il faudra qu'on arrive à le vendre ou faire un dessin animé. Il faudrait un musclore, quoi. Mais c'était fantastique à l'époque, c'est-à-dire que les enfants, ils regardaient une pub de 22 minutes pour lire jouer, quoi. C'est vrai en plus. C'est vrai que c'est exactement cette impression-là que moi j'avais. Parce que les scénarios, c'était toujours pareil, quoi. Ah, c'était toujours pareil. Et puis, parle. Ah, toi, tu vas citer le premier épisode. Par le pouvoir de crâne ancestral, j'ai la force toute puissante. Moi, je me souviens du premier épisode, c'est le méchant, et puis t'as l'autre qui demande... Squeletor, le méchant. Non, parce que Squeletor, une espèce de dragon avec des ailes, je sais pas quoi. Ah ouais, avec son casque, c'est pas celui-là. Puis t'as Musclor qui lui dit, alors pourquoi t'es méchant? Et puis l'autre, il dit, je vais essayer d'être gentil. C'est quoi cette morale? C'était le dragon avec son espèce de casque, là, c'est pas lui. Je sais plus, mais je veux dire, quoi, le mec, il dit, je vais essayer d'être gentil, ça a l'air cool. Ouais, non, mais arrêtez les mecs. C'est quoi ce truc, là? Pourquoi t'es méchant? Ouais, t'as raison, pourquoi c'était je suis méchant? C'était pas très élaboré, les scénarios et tout ça, le personnage. Hein. Puis là, toujours pareil, le comic relief magicien. Ouais. Orko, ouais. Et t'avais le maître d'armes, t'avais Tila, t'avais Squeletor, bien sûr, il est culte, Squeletor dans son corps. T'avais le tigre aussi, qui se transformait Le Gringer. Puis t'avais le prince Adam, ils faisaient pas la relation entre le prince Adam et Musclor. Les mecs étaient exactement le même physique. Ouais, même comme, coupe de cheveux, même Clark tête, même voix. Clark Kent et Superman, là c'est pareil. Quoi. Ouais, mais Adam, il n'y a pas de lunettes. Hein. Ouais, mais je crois que Musclor était un petit peu plus bronzé, c'est pour ça qu'ils n'arrêtaient pas à leur connaître. Ah, il était dessapé surtout. mettait... Mais il y avait la même carrière. Tu vois, c'est un peu comme si tu mettais Schwarzenegger dans... D'ailleurs, il y a le film, genre, pas en toucher deux mots, là, avec, de ce film de 87, là, avec l'ami Dolph Lundgren qui... Alors, moi, je l'ai pas vu. Ce que je propose, c'est de se faire une petite séance un de ces jours. Puis de faire un petit topo dessus. On va avoir un duel de nanars avec les maîtres de l'univers, mais bon, déjà, rien que le terme nanar, vous pouvez vous avoir une première impression. Bah, moi, non, j'ai vu le teaser qu'ils avaient fait à l'époque. Ouais. Ouais, bah, déjà, rien que ça, j'ai eu ma dose. Hein. Ouais, mais de toute façon, le problème du film, c'est qu'il est beaucoup sur Terre, donc on voit, il n'y a pas de budget. Déjà, c'est la Canon qui produit, c'est la société qui a produit Superman 4, donc tu peux te faire déjà une popularité sur la FAF, quoi, le budget. Ouais. C'est à la hauteur de Ken le Survivant, tu vois le coup, tu vois le là, c'est quoi. Mais les maîtres de l'univers, bah, moi, je me souviens que j'avais beaucoup de jouets, hein, ce temps-là. King, j'avais quelques personnages. Bon, le Château des Ombres, je pouvais pas l'avoir parce qu'il était beaucoup trop cher. C'était vraiment des jouets qui étaient beaux, mais chers. C'est ça le problème. Voilà, quoi, maître de l'univers, bah ouais, on aimait bien, mais bon. C'est 130 épisodes quand même. Hein. Ça a extrêmement mal vieilli. Ah, au niveau de l'animation, l'univers. C'est horrible. Au niveau de l'animation, c'est horrible. Même Shira, hein, c'est horrible. Alors, dans le film, il y a. Je vais raconter une anecdote. Dans le film, il y a la fameuse séquence du Par le pouvoir. T'as une longue tirade avec Muscleur, hein, t'as le. Par le pouvoir du crâne ancestral! Détient la force toute puissante! Dolph Lundgren, il laisse son épée, il fait « Par le pouvoir !» Et puis après, il s'arrête. D'accord. Donc, le mec économise de mots, quoi, tu vois. Ils avaient peut-être pas le droit d'utiliser cette formule pour des problèmes de droit, tu sais. Par le pouvoir, coupé, on n'a pas le droit d'en dire plus. Il y a un budget, là. Allez, non, mais bon, c'était pour un petit peu troller, quoi. Mais, on va pas laisser un masque, parce que là aussi, c'est une grosse licence de jouer. Hein. Alors, masque. Ouais. Masque, les voilà, ils sont prêts, ils sont prêts. À mon âge, on bavait tous pour avoir le camion ou la voiture. Ah, je l'avais le camion. Okay, on se battait tous pour l'avoir. Ouais, ouais. C'était hors de prix encore. Le Rhino, tu veux dire, ouais, le Rhino. Ouais, ouais. Bah voilà, donc masque pour raconter l'histoire. Bon, c'est des fans du tuning qui font des voitures. C'est Fast and Furious avant l'heure. Fast and Furious avant l'heure. Ouais. C'est vrai qu'ils sont superbement motorisés avec les androïdes, l'ordinateur de bord, le truc, le machin, les casques. Les casques intégrales, qu'ils ont une tête bizarre. Puis t'avais l'espèce de station d'essence. Alors moi, quand j'étais gamin, je bavais parce que je la voulais absolument. Et le pire, c'est qu'en action, cette station d'essence, tu la voyais quasiment que dans le générique. Il y a eu deux épisodes où elle a été vraiment en action quand pour défendre la base. Ouais, c'est vrai que je crois que c'est rare les séquences où on la voit. À l'époque, l'essence était chère. Elle coûtait la peau du cul aussi. Puis à l'époque, l'essence était chère. Hein. T'as vu la station et des lasers pour se défendre. Puis il y a une espèce de rocher là, qui se barre là, au sommet. Là. Ça fait un peu bizarre quoi, comme truc. Mais divertissant, un peu répétitif quand même dans les... Bah, super répétitif. Ouais. Partout où ils sont. À part qu'ils variaient les véhicules. Non, mais t'as veut dire... Pour vendre encore plus de jouets. Quoi. T'as l'équipe masque qui va en Finlande. Tombe sur Venom. T'as l'équipe masque qui part en Thaïlande. Venom. Mayhem. Masque qui va se faire un sandwich dans sa cuisine. Venom. Ils avaient qu'un mec. Il n'y avait qu'une équipe, Venom, et bah, à mon avis, ils devaient suivre les uns les autres, hein, c'était pas possible autrement. Mais c'était classe, hein, il y avait des véhicules, ils étaient classe. Bah, l'avion de Venom qui se transforme en hélicoptère. Ouais, mais ça sert à rien, l'avion qui se transforme en hélicoptère. Ou bien les véhicules amphibies ou. Bah, ça c'était bien, genre la moto qui devient un hélicoptère, ou le Rhino qui devient un labo, ou un truc dans le genre. Ouais, une espèce de truc la forteresse. Même après la voiture qui se met à voler. Bon, bah, moi je me souviens que les jouets, je m'étais beaucoup amusé avec, et puis ils étaient chers, hein, c'était du Kenner Parker, et, en qualité c'était quelque chose, et puis ça résistait quoi. J'ai jamais eu de problème avec ces jouets parce qu'ils étaient vraiment de bonne qualité. Mais bon, c'est vrai que c'était des supports à jouer quoi, uniquement, il n'y avait rien d'autre. Bah, encore une fois, voilà, tu regardais une pub de 22 minutes pour les jouets que tu voulais que. Enfin, qui te propose. Enfin, ça m'étonne qu'ils ne mettaient pas un petit truc à la fin, genre maintenant disponible à tel numéro. Je pense que t'avais la pub entre deux, non? Non, il n'y avait pas, mais. Si ça faisait un peu, appelez-nous au 08 pour avoir ce jouet-là. Peut-être avant l'émission, après l'émission, peut-être qu'il y avait des pubs pour jouer. Moi, je pense. Hein, ça pendant les vacances de Noël, tu sais, des trucs comme ça. Pendant les vacances de Noël, ah ouais, ça cartonnait. Hein. À l'époque, on savait quand est-ce que c'était Noël. Hein. Ouais, donc tu pouvais enregistrer la cassette et enregistrer les pubs. Ouais. Donc, masque, une série pas terrible, mais divertissante parce que y a la variation. Des véhicules et tout ça, mais bon, c'est vrai que masque contre Venom, et là ils s'emmerdent pas pour la traduction. Hein. Module d'action secret de commando, j'ai jamais vu commando avec un corps. Ben non, mais ça rentrait pas sinon. Voilà, on va passer à pole position. Alors, pole position, il y a eu 13 épisodes, et moi je vous mets au défi de me chanter le générique. Bah non, je me souviens plus, excusez-moi. Bah non, parce qu'il coupait en fait par t'avais pas l'opposition, hein, puis à un moment, quand il y avait le reste du générique, bah, il y avait les dialogues dessus, donc t'entendais rien du générique. Je suis à vos ordres, chef. Pole Position, c'était le K2000 du pauvre. Voilà, c'est Jean Chalopin aussi qui l'a produite, hein, cette voilà, série. Voilà, toujours Bic, hein, il me semble, Pole Position. Dick, ouais. Dick. Ah ouais, mais je confonds Bic et Dick. Dick, D.I.C. Et bah, Pole Position, moi, je connais pas trop, j'ai vu un ou deux épisodes. Je me souviens qu'il y a une espèce de singe un peu bizarre, là. Ouais, mais Pole Position, c'était des cascadeurs qui avaient des voitures qui pouvaient tout faire. Ouais, hein. C'est du sous K2000, quoi. Ouais, du sous K2000. Hein. Ils pouvaient rouler sur l'eau, avoir des skis pour la neige. Voilà, c'était Pole Position. Il y avait le kit de circonstance aussi dedans. Voilà, Voilà, mais c'était pour vendre des véhicules aussi, ça. Ouais, c'était pour vendre des jouets. On voulait nous vendre des voitures. Ça a pas trop marché en France. Enfin, on nous a refarci les mêmes 13 épisodes pendant des semaines et des semaines parce que, bah, il y en avait que 13 parce que aux États-Unis, ça a fait un bide. Forcément, si ça fait un bide là-bas, on n'a pas la suite ici. Bah, passer Pole Position. Et on va se jeter sur une licence, mais mortelle, qui continue encore aujourd'hui et qui se prolonge au cinéma même. Ouais. C'est Transformers, bien sûr. Transformers. Transformers, hein, donc les Autobots et les Decepticons, ouais. Et aussi donc les Constructicons. Et les Dinobots. Les Dinobots. Bah en gros, quand on a plus trop, quand on a écoulé les stocks, on en recrée un nouveau, tu vois. Ouais. Mais on a plus d'Autobots et de Decepticons. Bon, t'as qu'à faire des Dinobots. Et les gosses vont acheter ça. Mais t'inquiète, sont cons les gosses. C'est pas tout ils vont influencer leurs parents, comme ça ils ont tout acheté. Mais c'est vrai qu'il y avait une sacrée gamme, hein. Tu peux, tu savais plus quoi. Moi, je sais que j'avais Optimus Prime, Bumblebee. Bah, t'avais Megatron qui se transformait en pistolet. Donc, à l'époque, tu pouvais mettre des pétards dans Megatron pour faire ping, bang, bang. Tu veux dire les cartouches rouges, les petites cartouches rouges. Ouais, ouais. Après, t'avais Starscream ou Soundscream aussi. Soundwave. Soundwave qui se transformait en cassette. Il se transformait en lecteur de cassette. Ouais, ouais. Oh, super. Et il l'avait vraiment fait. Hein. C'est-à-dire, c'était un lecteur de cassette qui se transformait en. Ah bon, radio, tu pouvais mettre une cassette dedans. Tu pouvais mettre une cassette dedans. C'est bien ça, mais ça devait coûter la peau du cul aussi, cette histoire. La peau des rouleaux, comme d'hab. Mais il y a quand même une recherche au niveau des transformations. On les jouait parce que c'était quand même difficile à faire. Hein. Ouais, une loi de la physique qui me dépasse. Ouais. Hein, c'est-à-dire que Megatron transforme en. Enfin, on en mettra, un on mettra le bruit, mais. Il y a un problème, quoi. Ouais. Bah, je vais essayer de vous mettre le bruit de la transformation. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, à la rigueur, on va rappeler un petit peu les faits, c'est que à la base, Transformers, c'est pas du tout original. Hein, c'est Takara qui est une maison de jouets japonais qui distribuait la gamme Diaclone et Microman. C'était déjà des robots transformables. Et donc ça a été récupéré par Hasbro. Ensuite, ils ont produit avec Marvel et Sunbow cette série animée. Mais en fait, c'est un peu comme la bataille des planètes. J'en parle comme ça comme une anecdote. La bataille des planètes, qui est une série animée de science-fiction, qui au départ était japonaise et qui a été récupérée par des studios d'animation américaine pour justement rajouter des petites conneries, quoi. Moi j'ai eu bien la bataille des planètes, mais un peu comme Haim Saban fait avec les Power Rangers. Ça, c'est exactement le même principe. Voilà quoi pour Transformers. Et puis bon, il y a des films d'animation, il y a plein de séries. C'est vrai que c'est un peu comme les Tortues Ninja, c'est que ça n'arrête pas, quoi. Je vois d'ailleurs qu'il y a un crossover Tortue Ninja et Transformers. Alors, Tortue Ninja Transformers, je serais pas de dire, mais par contre, il y a eu un crossover Tortue Ninja et Power Rangers. D'accord. Comme c'était pas Hasbro, ça dépend. Mais, je crois qu'Hasbro, à un moment, a produit une série Tortue Ninja, mais il faudrait qu'on vérifie. Mais il y a eu ce film live en 2007, le premier. Moi, je l'aime bien, le premier. Mais après, ils sont irregardables, hein, franchement. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand matière à dire, quoi. C'est toujours plus grand, enjeu plus important, mais là, je veux dire, le scénario est toujours pareil. Copier-coller, quoi. C'est le principe de la découverte, parce que c'est impressionnant, hein, les transformations de Optimus Prime. Ouais, elles sont bien réalisées, il faut faire ce qu'il faut, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose du film qui tient, quoi. Il n'y a pas de... Non, puis en plus, il n'y a aucune continuité avec la série animée, parce que dans le premier, on dit, ouais, les Transformers, ils sont arrivés sur Terre au 20e siècle, et puis dans le cinquième, on t'explique que, ils étaient durés depuis longtemps. Ouais, et en fait, ils t'expliquent dans la série qu'ils ont atterri il y a 4 millions d'années. Ouais, dans la série. Donc les premiers Transformers, c'était quoi, les Dinobots? Ouais, comme ils étaient sur Windows Vista, enfin, le temps que ça redémarre. Et donc, il n'y a qu'au 20e siècle qu'ils ont pu se réveiller. Il n'y a même pas de continuité, ni dans les films, ni avec la série animée. Le film, c'était pas pour faire une continuité avec la série animée. Non, c'est clair, c'était aussi pour vendre des jouets aussi. Là, Le film, non, c'était pour faire on va voir si on peut relancer une licence, tu vois. Ouais. C'est-à-dire Transformers, ouais, ça peut être bien. Après, le 2, 3, 4, 5, 6, 8, je sais pas combien il y en a eu de Transformers aussi. On est au 5e. Là, c'est pour nous vendre des jouets, parce qu'on a les Dinobots qui sont sortis en rayon avant le film. On retrouve les Constructicons dans le 2, je crois, et puis on en rajoute un petit peu. Ouais, ça fait vraiment argument commercial à mort, quoi. Ouais. Puis en plus, comme ça touche des gens maintenant qui ont un budget, j'ai même l'impression des fois qu'ils essayent de nous vendre des Chevrolet ou des Lamborghini ou des Bugatti, parce que à chaque fois on a les beaux gros plans sur les bagnoles. Ouais, comme Bumblebee, tu veux dire. Ouais, comme Bumblebee ou même comme les autres voitures. On se dit, bon, faut acheter ça. Ouais, on en verra pas un Dacia dans Transformers, par exemple. Dacia Logan, par exemple. Non, puis même, je t'ai vu le trailer de Bumblebee, qui est sorti il y a pas très longtemps, là. C'est un spin-off de Transformers. Bon, bah, ça va se concentrer là-dessus. On voit Starscream dans la séquence, transforme en avion. Et c'est pas mal, mais c'est encore remué de la nostalgie pour faire du pognon. Et ça va intéresser qui? De toute façon, ils en ont fait 5, ils vont en faire un 6e. Le problème, c'est que tout le monde va aller le voir, parce que voilà, il y a du spectacle. Si vous voulez du spectacle, il y a d'autres films à aller voir, hein. Mais là, Star Wars 8. Il y a quand même plus d'action dans Transformers que dans Star Wars 8. Ouais, c'est clair. Mais voilà, qu'il y a de l'action. Il n'y a pas de scénar. Cherchez pas le scénar, vous en trouverez pas. C'est des scènes d'action avec des Deus Ex Machina pour sauver la situation. C'est un peu. C'est ça, Michael Bay, hein. C'est des pin-up, des grosses bagnoles, et puis voilà, quoi. Ouais, en fait, c'est les princes du tuning. Hein. C'est... Ouais. Bah, je sais pas, t'en as vu combien, toi, de Transformers, de films? Trop. J'en ai vu de trop. T'as pas tout vu? J'ai vu les 5. Ah, t'as vu les 5? Ouais, j'ai vu. T'as même vu le dernier avec les chevaliers? Ah ouais, qu'est-ce que c'était bien! Ça m'a donné envie d'aller me coucher plus tôt. C'était l'espèce de C3PO avec Anthony Hopkins, là. Ouais, puis comment ils battent aussi? Il y a une liane là, ouais, t'abats la liane, tout le truc qui va s'écrouler. Je sais pas, t'as une espèce de super, super méchante, là, sur une planète extraterrestre. Ouais, la mère des robots, je sais ouais, pas. Ouais, ça fait un peu. Pas Hydra, mais il y avait. C'est dans un autre truc qu'il y avait une espèce d'entité aussi comme ça, là. Bon, je sais plus, enfin bref. Moi, j'en fais penser au CRI, moi, voilà, et c'est une entité, elle est. On dirait le super ordinateur. D'ailleurs, il devrait faire un Transformer. Entièrement spatial plutôt que sur Terre, je trouve. Ouais, voilà, je pense que le prochain ils vont aller sur Cybertron, parce que... Bah, je sais pas, Cybertron en plus... Bah, il reste plus grand chose. En plus, t'as vu la crédibilité du truc. T'as une collision de planètes, il se passe rien sur la Terre. C'est ce que j'allais dire, de toute façon sur Terre, il n'y a plus rien à péter. Ils ont détruit tous les villes, enfin, New York, c'est ouais, bon, ouais, c'est un peu des neufs. Ouais, enfin, ça va, ils détruisent les pays, les trucs américains. Enfin, il était quand même bien meilleur que Pirates des Caraïbes 5, hein, si on peut faire une comparaison. Ouais, mais n'a rien à voir dans le domaine non plus. Non, mais je veux dire, nommer une blockbuster moins con, quoi, con. C'est, ouais, ça, bon, c'est écoute, Transformers, ouais, de beaux jouets, pas beaucoup de scénarios, et puis ça a très mal vieilli. Hein, Transformers a mal vieilli. Ouais, même l'animation, c'est. Enfin, quand tu les vois se transformer, c'est en 3 ou 4 plans, hein. C'est pas, y a pas de fluidité dans l'animation. Ah non, c'est clair que. Ils zappent, quoi. Ouais, puis les lois de la physique, hein, là, il est en train de rouler à 200 km/h, il se transforme, il s'arrête net. C'était les dessins animés de l'époque. C'était Transformers. Donc voilà, sur Transformers, bah rien d'autre à dire. Moi, je propose d'attaquer après une deuxième partie. Et on va faire une petite pause, je vous mets un petit générique. Et on va attaquer un peu plus sur ce qui est live et... Les séries live, Et séries live et les tokusatsu.